Audiomatique. La formation Port Royal nous offrait, en guise d'introduction à la transmission 1-3-2 d'Audiomatique, son remix de la pièce Shri Bang Special, composée à l'origine par le projet Aka Kids. Cette version se retrouve sur l'album double de Port Royal, intitulé 2000-2010, The Golden Age of Consumerism. Cet album comprend un CD de pièces rares inédites composées par Port Royal et un second CD qui regroupe des remixes que Port Royal a effectués pour divers groupes et formations musicales. Audiomatique, animé par les électronistes, votre dose de musique électronique hebdomadaire assez fou se poursuit avec Remain Silent. Audiomatic vous offrait à entendre le groupe Pulse Legion et la chanson The Fear de leur premier album Evolve, qui a été lancé le 28 octobre 1997, soit il y a presque 20 ans. Nous étions jeunes et insouciants. Et précédemment, il s'agissait du projet français Remain Silent et la pièce Dislocation Part 4 de l'album Dislocation, paru en 2005. Allons-y maintenant avec le projet Panoptica. We'll be right back. Nous venons de conclure cette séquence sur la musique du projet Fortet de l'artiste britannique Kieran Hebden. La pièce que nous entendions, soit Pinnacles, se trouve sur l'album Pink paru en 2012. Et avant Fortet, nous écoutions la pièce Pluma du projet Panoptica de l'artiste mexicain Roberto A. Mendoza, ex-membre du Nortec Collective. Cette pièce paraît sur l'album Uno, Dos, Tres, Cuatro, paru en 2001. Voici à l'instant, à Audiomatic, le projet Enlightenment. Thank you. and the voice of the harpers shall be heard no more at all in thee. Throwing the pistol at the sheepherder's feet. And the light of a candle shall shine no more at all in thee. Pick it up. This is CBS. This is PBS. This is ABC. This is the National Broadcasting Company. Good evening. The United States of America is at war. To begin with, the army occupying Kuwait would hardly be touched. Instead, targets all over Iraq would be obliterated. Imagine Iraq like a human body. What happens if you sever their spinal cord? They can't function, right? Tomahawk cruise missile, F-14 Tomcats, devastating JP-233 bombs, target of the most intense aerial bombardment the world has ever known. American B-52s flying high above the reach of Iraqi fire. Casualties on the Iraqi side will be extremely high. Saddam Hussein must be seen to be the loser. This was tremendous. Baghdad was lit up like a Christmas tree. 1,300 sorties so far. The first airstrikes were probing, testing the efficiency of Baghdad's defenses. On Friday, the tactics changed to heavy saturation bombing. First 24 hours consisted of more attacks than entire number of targets in the years 1942 and 1943 during the combined bomber offensive in Europe. 6 minutes after the stealth bombers left, the cruise missiles arrived. Others dropped carbon filament to short the electrical grid system. American, British and Saudi bombers and fighters from air bases and carriers joined in a single concerted attack. There's another wave of bombing just starting. This is the first time anybody's seen a war like this. Britain still hasn't formally declared war on Iraq. Apparently the Foreign Office nowadays considers it a bit old-fashioned. Mr. Ambassador, you have virtually the entire world community ranged against you. It is an American game. At this point, I'm not willing to bring goggles and move that TV screen. I gave the code word, get some. Mr. Ambassador, we bid you good morning. Get some. AWACS planes, packed with computer equipment, helped to control the battle. I select my gun. Iraqi soldiers ran through the crosshairs. Vietnam is a ghost country with us. Gradually, they are being starved, quite apart from the aerial bombardment. Daybreak saw no letter. New targets were sought out. Some of those not destroyed overnight returned to. Allied aircraft have now flown a total of 4,000 sorties. Many people are dying at the moment, Mr. Ambassador. 67 hit records have been banned by the BBC for reasons of sensitivity. Phil Collins, In the Air Tonight, Boom Bang a Bang by Lulu, and Cat Stevens' I'm Gonna Get Me a Gun. Yet the record most requested by our boys in the Gulf is Barry Maguire's The Eve of Destruction. What we cannot be proud of, Mr. Speaker, is the unshaven, shaggy-haired, drug culture, poor excuses for Americans wearing their tiny, round, wire-rimmed glasses, a protester's symbol of the Blame America First crowd, out in front of the White House, burning the American flag. But the main development in the war is tonight's Scud missile attack on Israel. Saddam Hussein has now twice sent extremely dangerous weapons into the middle of a built-up area. Most intense air attack since the Second World War. Has now twice. The system dispenses hundreds of tiny bomblets. Has now twice. Allied planes have been over 8,000 sorties. Has now twice. Attacks on Baghdad, Tikrit, Samawa, Nasiriyah and Basra. The electricity is gone off everywhere in the whole city. There's no water, no telephone. No communications for anybody. Military briefings have emphasized the threat still posed by Iraq's Scud missiles. 2,000 sorties a day. Scud targets, Scud launching. Scud launching sites, Scud missile attacks. Scud missiles, Scud rockets. Scud sites, Scud, Scud, Scud, Scud sites. Scud rockets. No one has yet been killed in these Scud missile attacks. They're extremely inaccurate. Search for Scuds. Three Scud, Scud missile launchers. Scud targets. Scud missiles. They've now flown 10,000 sorties. This ghost in here described the impact of the Scud as feeble, extremely frightening. 12,000 Allied sorties. President Saddam Hussein's Scud rocket exerted a powerful grip on the public imagination. The acknowledged Scuds are a weapon of terror. saying that Scuds are a danger to your nation is like saying that lightning is a danger to your nation. Nous avions droit à Audiomatic au groupe allemand Alpha Wesen et la chanson Electricity Drive de l'album L'après-midi d'un microphone. Tout juste avant, nous vous avons présenté en mémoire de l'artiste finlandais Mika Vainio, qui est décédé le 13 avril dernier à l'âge de 53 ans, la musique du duo Pansonic duquel il faisait partie. La pièce s'intitulait « The Horror of Babylon » et est tirée de la compilation de « Fire This Time », un documentaire du réalisateur Grant Wakefield sur l'effet dévastateur que le bombardement de la guerre du Golfe de 1991 et les sanctions subséquentes ont eu sur la population civile irakienne. « The Horror of Babylon » est en fait la composition « Uranochemia » de Panasonic, mais à laquelle on a ajouté différents échantillonnages et la voix de Grant Wakefield lui-même. Et pour débuter, nous avons entendu le projet Enlightenment, qui est un des anciens membres du duo Overlord of the UFO, avec la pièce Parallel World de l'album Transcendence. Nous vous invitons d'ailleurs à visiter son profil Bandcamp pour en savoir davantage au enlightenment108.bandcamp.com, le enlightenment108.bandcamp.com. Nous allons conclure la transmission 1-3-2 d'Audiomatique sur la musique de Dimitri Batistatos, qui compose sous le pseudonyme tout simple de D. Batistatos. De son plus récent album After Dark, nous allons entendre la pièce In the End. Les électronistes qui vous remercient d'avoir été attentifs à leurs suggestions musicales et qui souhaitent vous retrouver la semaine prochaine, soit mercredi dès 17h pour la transmission 1-3-3 d'Audiomatique. Vous connaissez sûrement les sites à visiter pour entendre toutes nos anciennes émissions, mais nous les citerons quand même, facebook.com/audiomatique-cfou et mixcloud.com/audiomatique. Voici De Batistatos et In the End. Bonne écoute et bonne semaine.